La vie, elle est speed et c'est pas du ciné. Tout est bien réel quand tu crois halluciner. Les drames, les larmes vont avec mort ou maladie. On se reverra bientôt si Dieu veut au paradis. La vie, elle est speed et c'est pas du ciné. Puis tu nous as quittés, on vit tout calciné. Les armes, la haine peuvent tuer comme les maladies. On se reverra bientôt, Inch'Allah au paradis. L'armoute t'a rendu l'âme, on n'est pas habitué. Si jeune, t'es parti vite, qui m'en prend qui tuer. On a fait ton deuil, qu'il a dit la vie est brutale. Si t'es mort dans la rue, pas sur un lit d'hôpital. J'aime tout ce que j'aime et ton front, j'ai pas ce que j'aime. La mort vient n'importe quand, on peut frapper quand tu déjeunes. Nos vies elles sont tragiques, nous rendent tous nostalgiques. Quand ainsi est seul, tu fonds en larmes quand c'est dramatique. Inch'Allah, là-haut, j'espère que tu m'écoutes bien. Ta famille, tes potes, pense à toi, tu doutes bien. La force, elle est en moi, mais j'sais plus où la trouver. C'est rien face aux darons que la vie a trop éprouvé. C'est thème qui nous rassemble, c'est fou ce qui nous ressemble. On grandit, on vieillit, mais on mourira pas ensemble. Qu'importe ta religion, n'importe quand tu chavires. C'est l'eau, pas les matelots qui font avancer le navire. Les larmes, couleur sang, va remplir des rivières. C'est le mec tout quand ce qu'on aime, expire sur une civière. À ceux et celles qui savent plus à quel sens louer. Pour eux, c'est mieux ailleurs si tous vos cœurs sont noués. La vie, elle est speed et c'est pas du ciné. Tout est bien réel quand tu crois halluciner. Les drames, les larmes vont avec mort ou maladie. On se reverra bientôt si Dieu veut au paradis. La vie, elle est speed et c'est pas du ciné. Vu que tu nous as quittés, on vit tout calciné. Les armes, la haine peuvent tuer comme les maladies. On se reverra bientôt, Inch'Allah au paradis. On est tous dès le départ, destinés à la casse. En politique ou chaîne de guerre, tu sais bien, tout le monde y part. Rien ne dure une seconde et ta vie est passée. On parle de toi, t'es dans une trompe. Il est mort, changé de regard. Une bastos dans la tête. Pour sauver ton bloc, t'es seul ta mère. Et on pleure, elle est toute seule devant la fenêtre. Y'a que des photos, ton père il est déçu, plus de poteau. Ta petite sœur a pas de droit avec son mec. En 19 y'a eu des morts, passe pose dans le décor. Des condés plutôt bizarres, la sécurité déborde. Fais du pisse mais fais le bien, vas-y mise dans la drogue. Tease mais doucement car sinon tu as des torts. Tu pars bizarre, l'autre mec quand même âgé. Il suffisait de parler, mais t'as tiré sur un marre. Règlement de compte, tu trouves anéanti. Aujourd'hui t'es repenti et t'es seul dans un trou noir. La vie, elle est speed et c'est pas du ciné. Tout est bien réel quand tu crois halluciner. Les drames, les larmes vont avec mort ou maladie. On se reverra bientôt si Dieu veut au paradis. La vie, elle est speed et c'est pas du ciné. Vu que tu nous as quittés, on vit tout calciné. Les armes, la haine peuvent tuer comme les maladies. On se reverra bientôt, Inch'Allah au paradis. On est mal barré dans nos halls pourris. Autant de chance, faire sauter, clôter Alberi. La vie c'est pas un film, l'existence elle est infime cousin. Quand tu voles une vie c'est jamais gratuit cousin. C'est pour nos morts, leurs proches et leurs mères. Qui vivent ou survivent en trouvant la vie amère. J'écris, c'est vrai, ça les rendra pas. Mais du sang, on fait ce qu'on peut faire quand quelqu'un part. Dans nos rues y'a eu trop de morts, la vie de Belleville c'est un cimetière. Place des Fêtes c'est une église où tout le monde y pleure encore. Les vivants partent, c'est vite qu'ils sont arrivés. La nouvelle mode elle est hardcore, c'est assumer le mal des forts. Enlève ton gilet pare-balles. Ta croix en tout du coup, si tu crèves c'est comme un chien. Personne à tes funérailles. Fais pas le malin, seul le diable a eu les couilles. Aujourd'hui pleure tout seul. Éternellement pour être taille. La vie, elle est speed et c'est pas du ciné. Tout est bien réel quand tu crois halluciner. Les drames, les larmes vont avec mort ou maladie. On se reverra bientôt si Dieu veut au paradis. La vie, elle est speed et c'est pas du ciné. Puis tu nous as quittés, on vit tout calciné. Les armes, la haine peuvent tuer comme les maladies. On se reverra bientôt, Inch'Allah au paradis.